Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comédien et metteur en scène, avec une nette prédilection pour Tchekhov et aussi Pirandello, avec lequel il triompha dans Henri IV, Sacha Pitoeff aura été avant tout un homme de théâtre. Mais sa mince silhouette, sa voix grave à la diction singulière et son regard pénétrant étaient familiers au grand public par les très nombreux rôles qu'il incarnait au cinéma et à la télévision dans les années 60 et 70. Un physique dont il savait jouer à merveille pour se glisser dans la peau de personnages sombres et inquiétants. Fils de deux monuments du théâtre, Georges et Ludmila Pitoeff, de Sacha Pitoeff, on pouvait dire qu'il avait de qui tenir. Mais justement, de quelle influence furent ses parents dans sa vocation de comédien et de metteur en scène? C'était notamment cette question qui lui était posée par Martine de Breteuil dans « Votre jardin secret » en 1972, une émission où il était interrogé sur ses lectures de jeunesse et ses goûts littéraires. « Votre jardin secret » avec Sacha Pitoeff, diffusé la première fois le 29 janvier 1972 sur Intervariété. Chaque poète modifie la notion de poésie et lui donne son propre visage. Les poèmes sont des êtres mystérieux dont la vie ne finit pas, et nous les rencontrons dans notre jardin secret durant toute notre existence. Cher Sacha Pitoeff, vous êtes comédien, metteur en scène de théâtre et animateur de troupes dramatiques. Vous avez interprété Oncle Vania, Les Bas-fonds, Ce soir un improvise, La Mouette, Système Fabrizi et beaucoup d'autres pièces qui ont remporté un très gros succès. Vous avez de qui tenir puisque vous êtes le fils de Georges et Ludmila Pitoeff. Je pense que vos célèbres parents avaient encouragé votre vocation théâtrale. En fait, mes parents, je parle pas seulement pour moi, mais au nom de mes frères et sœurs, n'ont pas tellement encouragé la vocation théâtrale. Ils nous ont montré les spectacles qu'ils ont présentés, tout au moins ceux qu'ils estimaient devoir être montrés à des enfants. Nous en avons vu beaucoup, mais sans nous dire plus tard, vous serez actrice, acteur, metteur en scène. Que mon père, quelques années avant sa mort, ait manifesté le profond besoin de se voir continuer à travers son fils ou ses fils et ses filles, c'est certain. Mais enfin, jamais mes parents ne nous ont, nous frères et sœurs, enfin Pitoeff, incité à entrer dans cette profession. D'ailleurs, il n'aimait pas, d'une façon générale, il n'aimait pas les enfants sur la scène. Nous n'avons jamais joué sur scène quand nous étions enfants, contrairement à ce que certaines personnes ont pu croire. Au bois, il y a un oiseau, son chant. Arrêtez-vous faire rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant, en rubané. Il y a une troupe de petits comédiens en costume aperçu sur la route à travers la lisière du bois. Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui à votre enfance, puisque nous venons d'en parler, nous avons parlé de votre vocation, et j'aimerais savoir quels étaient vos poètes, vos écrivains préférés quand vous étiez petit, quand vous étiez adolescent, qui vous ont aussi peut-être aidé à trouver votre vocation. Écoutez, je vais vous dire, j'ai une culture extrêmement anarchique. Je suis en train de lire des choses que j'aurais, enfin, qu'on normalement, un homme de mon âge aurait lu il y a 15 ou 20 ans, ou même 30. On n'est pas du temps avant. C'est pas une affaire de temps, c'est une affaire de disposition, vous savez. D'esprit. Alors, il m'est difficile de vous dire, ah ben voilà, quand j'avais 6 ans, ou 8 ans, ou 12 ans, j'aimais lire tel ou tel poète. Bien sûr que j'ai aimé les romantiques, j'ai découvert, je crois, la littérature et la poésie à travers le grand Maulne. C'était le livre qui m'a frappé le plus, enfin, oui. N'est-ce pas ? Et puis de là, j'ai lu, je le répète, non pas tout ce qu'on peut lire, parce que malheureusement j'ai une culture très, je le répète, anarchique et insuffisante, mais à 18 ans, j'ai commencé la connaissance à travers la lecture d'André Gide, Rilke, j'ai lu bien sûr les Pierre Loti, j'ai lu Simenon, les romans policiers, j'ai mis les pieds nickelés, je dis tout ça au fur et à mesure que ça me vient à l'esprit, c'est très si vous voulez. Comme non, choix. Non, c'est pas éclectique, c'est très désordonné, disons tout simplement. Oui, j'ai lu Larousse illustré, pas tout, naturellement. C'est très instructif. Et puis, et par exemple, vous voyez, je n'ai pas lu une page de Proust et je me réserve ça pour plus tard. Je sais qu'un jour je lirai et Proust. Et si vous demandez de faire un choix de maintenant, de me nommer quelques poètes bien aimés, Écoutez, je vous dirais Rimbaud, évidemment, et Valérie et Mallarmé. La lune s'attristait, des séraphins en pleurs, rêvant l'archer au doigt dans le calme des fleurs vaporeuses, tirait de mourantes violes, de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Ma songerie aimante à me martyriser s'enivrait savamment du parfum de tristesse que même sans regret et sans déboire laisse la cueillaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli. Quand, avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu, et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Vous avez aussi été nourri par la littérature russe, non pas tellement. Écoutez, en fait, pas tel. Si, je vous dirais Dostoïevski, Tolstoï, Pushkin, que je connais mal, mais Tchekhov, Gogol, enfin, sont les grands classiques, et j'en oublie sûrement, mais enfin, de nos jours, Solzhenitsyn. La compagne de route. Dans son grand châle, attaché par-dessus un bonnet drôle, aux pompons de soie grise, et ses yeux pleins de larmes, j'aperçus sur un remblai cette fillette assise. De notre train bombardé, s'enfuyant, elle perdit, elle aussi, sa grand-mère. Désemparée, elle ne sait que faire. Son nom, Katia. Son âge, elle a 9 ans. Comment agir à présent, me disais-je, puis, écartant tous mes doutes, soudain, je conclus, il faut que je la protège, bien que fillette, elle est un être humain. Un bruit d'enfer, de moteurs et de bombes venait à nous, apporté par le vent. Prenant son bras, je lui ai dit, l'air sombre, « Que fais-tu là? Viens, partons, en avant !» Mais trop gênés, nous n'avancions pas vite, sur cette terre immense nous traînant. En boutillon cheminait la petite, moi je portais des bottes, comme un grand. Des gués, des champs, des forêts et des grottes, il me fallait constamment pour marcher faire d'abord un faux pas dans mes bottes. J'ai cru, Katia, te voir bientôt flancher. J'ai cru vraiment dans ma fierté virile qu'avec des « ah » et des « j'ai mal aux pieds » perdrait courage une enfant si fragile. Mais ce fut moi qui flanchais le premier. Je grommelais en m'asseyant par terre « j'en ai marre, oh, je n'irai pas plus loin !» Mais Katia dit « ne fais pas de manière, mets donc ce foin dans tes bottes et viens. As-tu faim? Oui, mais pourquoi ne pas le dire? Tiens, prends ceci. C'est du crabe en conserve, mangeons un peu. Les garçons me font rire, prenant des airs, mais il faut qu'on les serve. » Avec Katia, de nouveau sur la route, la tête droite et redressant le corps, mon jeune orgueil s'est réveillé sans doute. En sifflotant, je marchais droit dès lors. Des trous d'obus, des villes enflammées, dans un chaos passé devant nos yeux, appuyés aux colonnes de fumée. C'était l'année où vacillaient les cieux. Est-ce que vous avez le temps encore de lire des... Oh ben naturellement, et comment j'ai le temps de lire? Je lis pas beaucoup, mais je lis régulièrement. Ah oui, je lis... il ne se passe pas de jour que je n'ai un livre en main, même si ce n'est qu'une heure ou deux, je lis. Mais je redécouvre Tchekhov à travers ses récits, ses nouvelles, et je trouve ça éblouissant. Je lis des ouvrages sur la psychanalyse, pas très calés d'ailleurs, il faut le dire. Mais des livres intéressants, comme le livre de Grodek. Mais il y a tellement de choses passionnantes dans ce monde qu'on ne sait vraiment pas trop quoi choisir. Il m'est arrivé, quand j'avais 15 ans, de me trouver dans la bibliothèque paternelle, devant, je ne sais pas, disons 500 volumes, de me dire lequel je vais lire. Alors bien sûr, je lisais Balzac, mais enfin Flaubert. Mais lequel je vais lire, quoi. Et il m'est arrivé de passer, pas un après-midi entier, mais vraiment longtemps à essayer de me laisser tenter par un livre, par un titre, et puis par renoncer en me disant non, aujourd'hui non, on verra peut-être demain. Entendre votre jardin secret avec Sacha Pitoëf au micro de Martine de Breteuil, diffusé la première fois le 29 janvier 1972 sur Intervariété. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.